Sors mon album comme si c'était le dernier. J'suis venu en chien, j'vais repartir en guerrier. Hamdoulay, j'ai graillé Cayenne, mais j'traîne encore à la Cayenne. Nouveau CD, nouveau contrat, donc j'ai nouvelle bagnole et j'ai nouveau CP. Les frères en CD m'ont dit qu'on se continue s'il y en a un qui parle. Décédé, j'ai des sons dans le disque dur. On va faire des disques d'or. J'fais de l'argent avec Ticketure. Et si t'es pas content, ben tu niques tes morts. Si t'as pas de love, on ne discute pas. T'inquiète, j'ai le bis, on me disquette pas. Quand tu fais la gueule, vas-y, dis ce que t'as. J'vais leur dire franco ce qui tout va. Pour ceux qui veulent la guerre, t'inquiète, j'suis un barjo. Tu veux la bagarre, t'inquiète, j'ai le cardio. J'passe à la télé, j'passe à la radio. T'es jaloux, pourtant j'ai pas les sous à Dadju. Yo, à la base des bases, on est des anges nous, mais après minuit, on est mal luné. Après minuit, on est mal luné. Après minuit, c'est chaud, reste pas là. On a des armes de guerre, des calas. Y'a pas que les jeunes qui font le halal. T'as la trentaine, tu veux les problèmes? On a des gosses maintenant, frérot Hersham. J'ai la trentaine, j'aime pas les problèmes. Mais si tu veux, on se chasse dans tout Marseille. Pris de l'or, on a pris de l'âge, mais on est toujours vif. Tu veux savoir si on est toujours vif? Touche à la mif, touche à notre bif. Tu vas vite comprendre qu'on est pas toujours vif. T'as des gros bras, j'ai un coup bras. On est copras, qu'on est copras. Si t'es corda, je suis corda. Dans ton contrat, j'ai mis un contrat. Je suis imprévisible, je ferai jamais ce que t'attends. Tu comprendras le flingue sur ta tempe. Quand tu seras mort, ne compte pas sur ta bande. Ils font well ou à part chercher où est ta banque. Vite ma mère, on fait pas les voyous, nous non. Dans seul regard, je sais si t'as les coups, you know. Le week-end, je pars vite à New York. Quand je parle anglais, je finis par you know. Après minuit, y'a des timbrés, y'a des contrats. Avec un gris, c'est une dinguerie. Avant d'avoir le cœur vide, le chargeur vide, on va quitter Marseille vite. Après minuit, c'est chaud, reste pas là. On a des armes de guerre, des calas. Y'a pas que les jeunes qui font le halal. C'est chaud, reste pas là. On a des armes de guerre, des calas. Y'a pas que les jeunes qui font le halal.